C'est la saison que ma peine sans l'homme se fasse ma raison. Il n'y a pas si longtemps, nous vivions d'être aimés. C'est l'hiver à présent, mes ailes sont gelées. Que m'emporte l'hiver jusqu'au prochain été. C'est l'hiver à présent, mes ailes sont gelées. Que m'endorme l'hiver quand me laisse hiver. Sachant que